Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional du 19 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'hier dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec l'instructeur adjoint David Rivard. On sait que les Castors actuellement ont remporté le tournoi de Saint-Anselme et David Simard nous parle évidemment de ce tournoi. Oui, écoute, sur papier, on peut dire que c'est quasiment être un tournoi parfait, là. Mm. 5 victoires, 0 défaites. Ensuite, on a seulement accordé 2 buts dans ce tournoi en 5 parties. Puis, on peut dire que nos unités spéciales aussi ont fait vraiment le travail. David Rivard aime souligner le caractère des joueurs des Castors. On a montré la vertu un petit peu au début. Un de nos 2 buts, on s'est scoré, c'est dans la première minute du premier match. Okay. C'était quand même une bonne équipe en plus, c'était Rimouski. Puis non, on a réussi, les gars ont montré le caractère, puis on s'est pas laissé abattre par ça. On a trouvé la façon de gagner. Mm. Mais ça, en deuxième partie, ça a été quand même assez... ça a bien été. Okay. Puis je peux dire, en tant que tel, notre meilleur match a été notre match de demi-finale contre l'équipe locale. Mm. David Rivard, évidemment, mentionne dans un dernier temps que du côté des Castors, ben, le fait qu'ils n'ont pas subi la défaite cette année, ben, ça cause pas de problème jusqu'à maintenant au personnel d'entraînement. Je pense que c'est vraiment avec la préparation. Puis ça, c'est quoi qu'on lui répète. Ben, l'école savent. Ils savent que les autres équipes le savent aussi qu'on n'a pas perdu. Mm. Puis les gars, on a vraiment un bon groupe de jeunes, puis ils sont capables de rester sur terre. Donc on n'a pas de problème là-dessus, puis on continue les garder focusés sur le fait qu'on n'est pas invincible pour travailler, puis c'est pour rien avec le talent qu'on peut gagner. Fait que, on est bien confiants. La Ligue du Lac au Fleuve a fait connaître ses honneurs individuels pour la dernière semaine. Donc la première étoile est Jean-Sébastien Boudreau qui a marqué un but, amassé 3 passes. Marc-François Bernier et la deuxième étoile, Marc-François Bernier qui a marqué 3 buts. Et Mathieu Simard est la troisième étoile avec une fiche de 1 but, 2 passes pour 3 points. Maintenant, on va parler des Aigles d'Orbeval. Ben, les Aigles ont joué 2 matchs en fin de semaine au niveau cadet et au niveau juvénile. Et au niveau cadet, victoire des Aigles 4-0. Et au niveau juvénile, ben, autre victoire des Aigles 3-0 contre les voisins. Et hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec l'instructeur François Laberge, où on a fait le bilan de la saison chez les Gaillards de Jonquière. C'est que les Gaillards ont perdu au bol d'or et François Laberge nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Très serré jusqu'au quatrième quart, c'était 16-14 pour Saint-Hyacinthe au début du quatrième quart, puis on réussit, au quatrième quart ça s'est reviré rapidement quand eux ont réussi à faire une longue séquence contre un touché. La séquence offensive suivante, ben, ils ont créé un échappé qui ont ramené jusque dans la zone des buts, donc à partir de ce moment-là, le match était plus difficile. En fin de match, on a essayé un quatrième essai dans notre territoire qu'on n'a pas converti. Donc, eux ont réussi à reprendre le ballon profondément puis ont inscrit leur troisième touché du quatrième. François Laberge est quand même pas tellement satisfait jusqu'à présent, mais dans l'ensemble de l'année, il se dit quand même content du rendement de son équipe. C'est difficile d'être content, c'est sûr. Ça va prendre quelques jours à faire le deuil de la défaite, c'est normal. Mais je pense que dans l'ensemble, il faut être content de ce que les gars nous ont donné. On a commencé au mois d'août, on a eu un match par défaut, les gars sont bien revenus. On a réussi à bien performer tout au long de la saison. On a réussi à gagner nos deux premiers matchs de série, dont une demi-finale très corsée contre un très bon adversaire qui est le Cégep Hansik. Donc oui, je pense qu'en général, éventuellement, on va être capable d'apprécier ce qu'on a fait durant cette saison-là, mais c'est présentement, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Puis moi, je pense juste déjà... Dans un dernier temps, ben, François Laberge nous parle de 2020. Ben écoute, on a des gros morceaux à remplacer, mais on garde quand même une bonne base, dans le sens que notre corps arrière peut revenir, Fred revient, on a des bons porteurs de ballon encore qui étaient recrues cette année, qui ont eu peu de chances de se faire valoir avec les deux vétérans qui étaient devant eux, mais qu'on pense qu'ils vont être capables de faire un super travail l'année prochaine. Ensuite de ça, ben il y a plusieurs positions où il faut recruter receveur, ligne offensive, demi-défensif, secondaire. Faut aller chercher des joueurs, pardon, Dani, à ces positions-là pour se restructurer. Mais je pense que à la base, nous, on vise à être encore une équipe de... Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé d'abord avec François Laberge et on a aussi parlé à Dave Doucette, qui était le président d'honneur de la 46e édition du tournoi Bantam. Ça a été un grand succès. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.